je ne le regrette pas. Sur mon âme et conscience, de faire la route dans le bon sens. Que réserve l'avenir, le meilleur ou bien le pire. Avec ceux de mon entourage, dans l'échange, la richesse émane du mélange. Souvent j'appréhende sur ce que la vie peut me prendre. Tous ces aléas qui cherchent à nous surprendre.